way sometimes. But girls, you must not let it get you down. Just take this advice I give you, just like a mother. You try to match your guys to for doom. Don't try to do the things that the guys do. No, those girls, you can't do what the guys do, no. And still be a lady, girl. Salut à tous et bienvenue dans Solid Gold, j'espère que vous allez bien. Solid Gold, c'est votre émission de variété anglo-saxonne. Pendant deux heures, nous allons écouter des chansons, des chanteurs, des chanteuses, des groupes qui ont chanté en anglais des années 50 à nos jours. On va se balader dans le temps et dans les genres. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur votre radio, certes, mais aussi sur Internet, sur solidgold.fr pour réécouter les anciennes émissions à télécharger ou en direct sur le site. Vous pouvez vous abonner au podcast pour n'en manquer aucune. Et la page Facebook Solid Gold, votre émission de variété anglo-saxonne. Vous pouvez cliquer sur j'aime et comme ça vous serez tenu au courant chaque semaine des artistes que l'on écoute. Chaque semaine, un album fil rouge. Et aujourd'hui, nous allons en 1968 avec l'album de Betty Wright, son tout premier album sorti chez Atlantic, chez Atco très précisément, un label du groupe Atlantic, My First Time Around. Elle est originaire de Floride, Betty Wright, et elle a connu son petit succès dans les années 70. Elle continue depuis à enregistrer, mais c'est vrai qu'elle a un peu disparu des hit parades, comme on disait à l'époque. Girls Can Do What The Guys Do, c'est la chanson qu'on vient d'entendre, premier extrait de cet album My First Time Around, sorti en 1968. On la retrouve tout de suite avec Funny How Love Grows Gold, Betty Wright, et la vedette de Solid Gold aujourd'hui. C'est parti. I never Chanteuse au destin brisé, puisqu'elle est morte à 25 ans, Tammy Terrell, que l'on écoute souvent dans Solid Gold, surtout avec ses duos avec Marvin Gaye. Là, elle était en solo avec More, More, More. Et puis juste avant, c'était Michael McDonald dans les années 80 avec Sweet Freedom. C'est Betty Wright aujourd'hui qui nous accompagne avec son tout premier album en 1968, My First Time Around. On va écouter une chanson tout de suite qui s'appelle I'm Gonna Hate Myself in the Morning. Elle sera suivie d'une nouveauté, Gord Bamford. On écoute aussi les nouveautés dans Solid Gold. You Make It Better. I'm gonna hate myself in the morning, but Another hard day, making hay, working in the sun all day. I walk through that door, and you know what I need. Your lips, your kiss, nothing heals me more than this. Yeah, you are the perfect remedy. Well, you make it better. Better than ever. Whatever's wrong, you put it back together. Yeah, girl, it's something. The way you're loving always gets me feeling fine. You make it better every time. Me like you do. I know you are the best thing for me by far, and I'll take a double dose of you. Well, you make it better. Better. Nous étions dans la country avec Gord Bamford et You Make It Better. Et puis à l'instant, fin de la période disco pour Donna Summer en 1980. Who Do You Think You're Fooling? Betty Wright, jeune chanteuse de Floride qui sort en 1968 son premier album My First Time Around sur le label Atco, un label du groupe Atlantic Records, prestigieux label. Circle of Heartbreak, c'est le morceau qu'on va écouter tout de suite puisque aujourd'hui on écoute en fil rouge tout l'album de Betty Wright et puis on ira en 1980 juste après avec Al Jarreau et Never Giving Up. So today, I think I'll take

On découvre des artistes dans Solid Gold, mais on écoute aussi de grandes pointures, des légendes, comme Miss Peggy Lee à l'instant avec Somebody Else Is Taking My Place. Et puis juste avant, c'était Al Jarreau. On retrouve tout de suite Betty Wright avec Sweet Loving Daddy, extrait de son album My First Time Around, qui est notre album vedette aujourd'hui. Juste après, Harold Melvin and the Blue Notes avec The Love I Lost. But your heart is like ice. You got me loose. I'm wild as a goose. I've tried to resist you, but it just ain't no use. 'Cause I like it, baby, I like it. Oh, I like it, like it, like it, like it. Uh-huh, I like it, baby, I like it. I know I like it. So we love it, daddy. You set my soul on fire. And if I said I didn't want you, baby, I'd be telling a lie. And now you got me shaking like a leaf on a tree. You got me all locked up, but I don't wanna be free, huh? 'Cause I like it, baby, I like it. I will never restless and lonely. But without you, my life is so dead. I'm sorry to say. La même année que Betty Wright, Dionne Warwick sortait son album Promises, Promises, sur lequel figurait le titre qu'on vient d'entendre, Yesterday I Heard the Rain. Betty Wright, on la retrouve tout de suite avec Cry Like a Baby, extrait de son album My First Time Around, qui est notre album vedette du jour. Et puis juste après, on restera dans les années 60 avec Barrett Strong et Make Up Your Mind. No. Honey, you say that you would never leave me. Then you turn around, poor girl, and you wanna deceive me. Well, why don't you make up your mind, baby? Why don't you make up your mind, honey? You know that I love you. One day you will, one day you will, and the next you won't, the next day you won't. One minute you say you love me, yeah, oh girl, yeah, and the next minute you don't. Yeah, yeah. Well, why don't you make up your mind, baby? Why don't you make up your mind, honey? You know that I love you. When we go out to a picture show, you get halfway there, yeah, so you don't wanna go. Well, why don't you make up your mind, baby? Why don't you make up your mind, honey? You know that I love you. If you're sympathy, I don't mind, cause you mean that much to me. Ain't you proud of that? As we know it, please don't leave me, girl. Ain't you proud of me, baby, baby? Please don't leave me, girl. Now I heard a crying man is half a man with no sense of pride. But if I have to cry to keep you, I don't mind weeping if it'll keep you by my side. Ain't you proud of me, sweet darling? Please don't leave me, girl. Ain't you proud of me, baby, baby? Please don't leave me, girl. If I have to sleep on your doorstep all night and day, just to keep you from walking away, let your friends laugh, even this I can stand, cause I wanna keep you any way I can. Ain't you proud of me, sweet darling? Please don't leave me, girl. Ain't you proud of me? Soul dans Solid Gold, de la soul de deux manières différentes, celle des Temptations à l'instant avec Ain't Too Proud to Beg de la soul de chez Motown, et puis juste avant c'était Nicole Willis and the Soul Investigators, A Perfect Kind of Love. Betty Wright, elle, avec son premier album en 1968, My First Time Around, essayait d'être une chanteuse tout simplement, pas forcément ni de soul ni de blues. Mais c'est un album, un très beau premier album qui vient d'être réédité en CD et que l'on découvre aujourd'hui dans Solid Gold. Watch Out Love, c'est le titre qu'on écoute tout de suite. Juste après, ce sera le groupe Extreme avec More Than Words. Watch out! I'm Reprise d'un tube de Eurythmics version Bossa Nova, There Must Be an Angel, par Daniela Procopio dans Solid Gold. Betty Wright, elle, assumait son statut de toute jeune chanteuse puisqu'elle avait 15 ans en 1968 quand elle a été découverte par le groupe Atlantique pour enregistrer son premier album My First Time Around. Effectivement, elle est née en 1953 à Miami. On va la retrouver tout de suite avec His Bad Bad Bad, extrait de ce premier album. Et puis juste après, un tube de Frank Sinatra, The Lady is a Tramp. Et il y a aussi des classiques dans Solid Gold. Today gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater and never comes late. She never bothers with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crap games with barons or earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She likes the free, fresh wind in her hair. Life without care. She's broke and it's oak. Hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry to wait for dinner at 8. She loves the theater but never comes late. She'd never bother with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. She'll have no crap games with Sharpies and froth. And she won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's. And she won't dish the dirt with the rest of the broads. That's why the lady is a tramp. She loves the free, fresh wind in her hair. Life without care. She's broke, but it's okay. Hates California. It's so cold and so damp. That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a tramp. Every time we meet, everything is sweet. Oh, you're so tender, I must surrender. My love is your love now and forever. You're the one that I long to kiss. Baby, you're the one that I really miss. You're the one that I'm dreaming of. Baby, you're the one that I love. Keep me in your heart. Never let us part. Kiss. Baby, you're the one that I C'était la petite fiancée de l'Angleterre dans les années 60, Petula Clark, très connue en France également. You're the One, Betty Wright, son premier album My First Time Around, enregistré à l'âge de 15 ans en 1968. C'est notre album fil rouge du jour. Il vient de ressortir en CD. I Can't Stop My Heart, c'est le titre qu'on va écouter maintenant. Puis juste après, quelque chose de très poignant. On passe de temps en temps Jimmy Scott dans Solid Gold. Très vieux chanteur qui a connu la gloire sur la fin de sa vie avec ses reprises, sa voix cassée si particulière. Là, il reprend la chanson de Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. You're gone. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can do whatever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing can take away these blues. Nothing compares. Nothing compares to you. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears. Tell me, baby, where did I go wrong? I could put my arms around every girl I see, but they'd all remind me of you. I went to the doctor. Guess what he told me? So you better have some fun, no matter what you do. Nothing compares. Nothing compares to you. All the flowers that you planted in the backyard all died when you went away. I know that living with you was sometimes hard, but I'm willing to give it a try. Nothing compares. Nothing compares to you. Compare please accept my apology. But love is blind, and I was too blind to see. Yeah. Un peu de tendresse dans Solid Gold, on en a besoin aussi en ces temps. C'était Will Young avec You and I, et puis juste avant, dans les années 50, le tube de Brenda Lee, I'm Sorry. On va retrouver tout de suite Betty Wright. C'est notre vedette du jour avec son album My First Time Around, sorti en 1968. La chanson s'appelle I'm Thankful, et puis juste après, nous aurons Jimmy Clinton avec Another Sleepless Night. But why I love you, I'll never know. You've un tube dans les années 70 pour Gladys Knight and the Pips avec I Feel a Song in My Heart. Et puis dans les années 50, Jimmy Clanton, Another Sleepless Night. The best girls don't always win. Eh oui, les meilleures filles ne gagnent pas toujours. C'est ce que disait Betty Wright sur son album My First Time Around. On va l'écouter tout de suite. Et puis juste après, une nouveauté, Lee Lessac en duo avec Joanne O'Brien qui reprennent le standard Summer Wine. What is it she has that you haven't got? And now you think all your troubles and heartaches have just begun. You found and lost a guy you love to her. You think the best girl has won. Oh, but believe me, it's not that way. Just because she wears diamonds and fancy clothes, he's given all his love when it's supposed to be yours. And although she came along and tore your dreams apart, she's not better than you, no, no. Just because she's won his heart. Now that you lost the guy you loved her, just a few. She saw my silver spurs and said, let's spend some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberry, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. heavy and my lips they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. More summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. The sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone. My head felt twice its size. I took your silver spurs, a dollar and a dime, and left him craving for more summer wine. extrait de son album Easy Street. C'était le guitariste Greg Bowden avec Take Flight. Nous voici arrivés à la fin de ce Solid Gold. J'espère que vous avez passé un très bon moment à l'écoute de votre émission de variété anglo-saxonne. On va se retrouver très vite, bien sûr. D'ici là, n'oubliez pas le site internet solidgold.fr pour tout savoir et surtout réécouter les émissions, soit en direct sur le site, soit vous pouvez les télécharger pour les emmener partout avec vous. Et surtout, vous pouvez vous abonner au podcast pour n'en manquer aucune. Vous pouvez également nous retrouver sur la page Facebook Solid Gold, votre émission de variété anglo-saxonne, pour tout savoir chaque semaine des artistes que l'on passe dans l'émission. Nous aurons la prochaine fois un album fil rouge, bien sûr, comme l'était aujourd'hui celui de Betty Wright, My First Time Around, qu'elle a enregistré à 15 ans et qui est sorti sur le label Atco, un label du groupe Atlantic Records, en 1968. Le dernier extrait s'appelle Just You. Je vous laisse avec Betty Wright. On se retrouve très vite et d'ici là, portez-vous bien. Salut. Oh, and just to you, just you, just you. Hey.